as l'air d'un nain et moi d'un géant. Ta comparaison me fait sourire. Es-tu si impatient de grandir? Si oui, en attendant d'être plus grand que moi. Triche un tout petit peu, hisse-toi sur la pointe des pieds, sur la pointe du cœur, pour atteindre ma joue, pour voir les arbres en fleurs. Tu grandiras bien assez tôt, je t'assure mon enfant. Mieux vaut être petit et te hisser en attendant. Sur la pointe des pieds, sur la pointe du cœur, pour découvrir la vie et toutes ses couleurs. Ne sois pas impatient de fleurs fanées en fleurs nouvelles. Les années vont te faire la courte échelle. Pour cueillir une pomme au jardin, bien des efforts en vain ce matin. Je te regarde et j'ai l'impression que c'est moi ce tout petit garçon à qui mon père disait il y a longtemps déjà: mon fils, pour te grandir, hisse-toi.